une histoire particulière. Dans le mythe du premier médecin de l'humanité, fils du dieu Apollon et de la mortelle Coronis, cette dernière était enceinte d'Esculape et trompait son mari Apollon avec un mortel. C'est un corbeau, animal blanc à l'époque, qui dénonça anonymement l'adultère. Apollon le reconnut pourtant et dans une crise de jalousie, il assassina Coronis qui mit au monde Esculape avant son dernier souffle. Il décida surtout de punir le corbeau pour sa vilaine action en rendant son plumage noir à tout jamais. C'est depuis ce mythe ancestral qu'on a coutume d'appeler les délateurs des corbeaux. Tout de suite, Romain Weber et Julie Bérécy vous emmènent à Tulle pour faire connaissance d'un superbe échantillon d'oiseaux de mauvais augure. Il y a déjà Pointe, la cathédrale. Et Pointe, les petits clochetons de la vieille ville, les vieux toits d'ardoise, là. Donc on est vraiment sur une hauteur, une colline qui domine la ville de Tulle. Et ce puits, c'est comme une ville, la ville des morts, qui a ses rues, ses avenues, ses quartiers pauvres, ses quartiers riches. C'est une ville qui est complètement enclavée. Marie-France Houdard, on est au cimetière du Puy Saint-Clair, à oui, Tulle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire à cette ville-là ? Depuis longtemps, on dit que quand on y est, c'est très bien, mais pour y aller, il y a Mascaron, qui était l'ami de Mademoiselle de Scudéry, qui disait « Quand on descend à Tulle, on croit descendre aux enfers ». Je vais vous lire la phrase, là, parce que je l'ai notée, c'est incroyable. « Les abords de la ville sont si rudes et la descente paraît si grande qu'on croit se précipiter dans les abysses quand on y arrive ». Un corbeau et des hommes. Julie Bérécy, Romain Weber. Premier épisode, signé L'œil de tigre. Ce n'est pas la première fois, hélas, que j'ai l'occasion de dire devant ce microphone que les deux caractéristiques très peu glorieuses de l'époque que nous vivons, ce sont, du point de vue criminel, du point de vue qui me concerne, la lettre anonyme et l'empoisonnement. Et je voudrais aujourd'hui vous rappeler une affaire de lettres anonymes qui est, si je puis dire, l'affaire type, le cas modèle, sur lequel toutes les affaires de lettres anonymes que nous voyons chaque jour semblent se modeler. Cela se passait pendant l'autre guerre, celle de 14. Une petite ville du centre de la France, Tulle, était inondée de lettres anonymes dans lesquelles on racontait des potins divers et naturellement malveillants. Nini Dufour, la sœur, vous en êtes sûr? Il paraîtrait qu'elle a couché avec Monsieur Fourlou. La vilaine. Donc l'histoire, c'est l'histoire vraie. C'est passé à Tulle. Elle a commencé en décembre 1917 et elle s'est terminée en décembre 1922. Voilà. Françoise Vigneron, journaliste. C'est une ville qui a toujours été enclavée, qui a été construite au fond d'une vallée surplombée, dit-on, de 7 collines comme à Rome, au fond de laquelle coule la Corrèze. C'est une bourgade resserrée sur elle-même, où la population est très stable à l'époque. Elle a un petit côté étouffant. Et d'ailleurs, la presse parisienne, quand elle va venir à Tulle, elle aura, avec un petit peu de condescendance... Jean-Yves Le Naour, historien. Elle va décrire cette ville comme une petite ville étouffante, peuplée de petites gens, dans un climat de suspicion constant. Hein. Voilà un petit peu le portrait. C'est pas une grande ville, donc tout le monde se connaît. Et ça commence, cette histoire de lettres anonymes, ça commence à la préfecture. Jean-Baptiste Moury, qui est à l'époque un homme de 40 ans, qui est chef de bureau à la préfecture, il montera en grade plus tard, habite rue de la Barrière au numéro 36 avec sa mère. C'est un célibataire assez convoité qui a une maîtresse en ville dont il a une fille qu'il n'a pas reconnue. Donc c'est quelqu'un, on peut appeler ça un beau parti. Bon. Et un soir de décembre 1917, il reçoit chez lui une lettre anonyme, là, hein, qui est écrite en lettres majuscules à la main. et qui lui dit « Méfiez-vous d'Angèle Laval, c'est une sirène, elle cherche à se faire épouser. » « N'épousez pas Mademoiselle Laval. »« N'épousez pas Mademoiselle Laval, c'est une intervention sur vous. » Une charmeuse. C'est une sirène, une charmeuse, mais qui vous rendra malheureux. Mais qui vous rendra malheureux. Ça l'intrigue énormément et le lendemain, en prenant son poste à la préfecture, il interroge Angèle Laval. Elle travaille aussi dans son service où elle est employée de bureau. Cette Angèle Laval, en décembre 1917, elle reçoit une lettre. Alors c'est une lettre un peu bizarre, parce que c'est une lettre qui dit « Attention, méfiez-vous de vos chefs de service », elle partageait un bureau avec Jean-Baptiste Moury, « Méfiez-vous, c'est un cavaleur, hein. Surtout ne sortez pas avec lui, c'est un cavaleur, et ce n'est pas quelqu'un de sérieux. »« Méfiez-vous de Monsieur Moury, c'est un ennemi, il vous calomnie, il dit que votre frère est un mouchard, il se moque de vous chez sa maîtresse. » Alors, finalement, cette lettre, elle ne sait pas quoi faire, elle lui en parle, elle lui montre cette lettre, et là, il lui dit, mais figurez-vous que j'ai reçu moi aussi une lettre anonyme qui dit « Surtout méfiez-vous d'Angèle Laval, c'est une enjôleuse, une ensorceleuse, une charmeuse, alors méfiez-vous d'elle. » Alors, il regarde ses lettres, et puis il décide de les détruire, il les brûle là, dans le poêle du bureau, et on n'en entend plus parler. Ce Jean-Baptiste Moury, qui est donc chef de bureau à la préfecture, est-ce qu'il a vraiment un projet de mariage avec Angèle Laval ? Mais pas du tout, pas du tout. Il n'a pas du tout de projet de mariage avec elle. Elle ne l'intéresse pas du tout. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, à partir de 18-19, il jette son dévolu sur une jeune dactylo, bien plus jeune qu'Angèle, parce qu'Angèle Laval, elle a 31 ans, 1917. Elle est considérée à l'époque donc comme une vieille fille. Quand vous avez coiffé Sainte-Catherine, c'est-à-dire à 25 ans, vous êtes considérée comme une vieille fille. Et lui, il jette son dévolu sur une jeune dactylo. Et il y a des projets de mariage avec elle. Cette jeune dactylo s'appelle Marie-Antoinette Fuyoux. Et c'est là qu'une deuxième vague, si on peut dire, de lettres anonymes va déferler sur la ville et en particulier au début c'est à la préfecture, des gens de la préfecture les reçoivent, Moury, Marie-Antoinette Fuyoux, Angèle Laval, sa mère, et puis quelques autres collègues du bureau de la préfecture, Jean Laval, le frère aîné d'Angèle Laval aussi, et tout ce monde reçoit des lettres assez contradictoires où de temps en temps on souffle le chaud, le froid, on donne des ordres, on insulte. Marie-Antoinette Fuyoux est couverte de boue, elle est traitée de femme de mauvaise vie. Et il est même dit quelque chose d'étrange dedans, c'est que la personne qui écrit les lettres anonymes, qui sont donc toujours manuscrites et écrites en lettres majuscules, elle dit qu'elle a reçu cette femme de mauvaise vie, donc d'après les lettres, elle a reçu une éducation à l'américaine. Donc je pense que ça devait être extrêmement subversif à l'époque de dire ça. Donc ça montre un esprit assez étriqué qui a une conception de la morale à l'ancienne, disons. Romain Legendre, on est aux archives départementales de la Haute-Vienne, à Limoges. Vous en êtes le directeur adjoint. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? On est dans le magasin où l'on conserve les archives de la justice pour la période 1800-1940. Et c'est dans la sous-série 3U que l'on conserve les arrêts du tribunal correctionnel et les dossiers de procédure correctionnelle, dont le dossier de procédure de l'affaire des lettres anonymes. Donc c'est cette boîte 3U-794. C'est une petite boîte dans un carton gris. Avec un ruban. Romain Legendre, on est en présence là de plusieurs pièces du dossier qu'on a sorti. Alors on peut peut-être regarder cette première là qui est la côte 63, une lettre qui date du 15 octobre 1919. Alors cette lettre anonyme, elle est adressée à Madame Beausoutreau, oui. Institutrice à Bar en Corrèze. Alors c'est une enveloppe hein, qu'on voit, on voit trois timbre de 5 centimes de francs. C'est une enveloppe, on a le tampon de la poste de Tulle du 15 octobre 1919 et elle a été écrite donc au verso. Le texte est écrit en lettres capitales redoublées pour faire une sorte d'épaisseur. L'écriture paraît malhabile, des fautes un peu d'orthographe. Le mot institutrice devient institrice. Il manque une syllabe. Et commence ainsi, Madame, la fiancée de votre frère est d'une inconduite notoire. En octobre 1918, elle fit sombrer un polichinelle pour polichinelle. On dirait un avortement quand même. Hein. Oui, c'est ça ressemble à ça. tout le milieu de la préfecture en reçoit, y compris le préfet, pour dire Marie-Antoinette est une la petite fiou, c'est pas une femme comme il faut, dans sa famille il y a des gens sans aveu, etc., etc. Bref, on essaye de la rabaisser, puis tout d'un coup les lettres changent de discours et finalement elles disent le contraire. Monsieur, on jalouse Monsieur Moury, on veut lui nuire. Des gens méchants font circuler de faux bruits, de nature à nuire à sa réputation, à sa situation et à l'honneur d'une honnête et charmante jeune fille, Mademoiselle Few. D'une grande beauté, d'une intelligence supérieure, Mademoiselle Few est la victime des jalousies féminines. On veut lui nuire. On veut lui nuire. Donc on voit bien que là, on est en train de vanter Mademoiselle Few. Et évidemment, quand vous recevez cela, vous devez vous dire, bon, est-ce que c'est pas la petite Few qui est en train d'écrire cette lettre pour accélérer son mariage et mettre fin aux hésitations de son fiancé, de l'homme qui la fréquente? Et puis, alors là, il y a une flambée en 1921. Et d'ailleurs, il y a une transformation qualitative, puisque d'anonyme, les lettres vont devenir pseudonymes, en étant signées désormais du pseudonyme de l'œil de tigre, avec des phrases du genre « Je suis, moi, l'œil de tigre, le Lucifer de Tulle, devant moi, écartez-vous ». Et puis petit à petit, le mode de distribution a changé, c'est-à-dire que les lettres étaient glissées dans les corridors, sous les portes, de telle sorte que les gens les trouvent, mais pas envoyées par la poste. Et c'est devenu une sorte de jeu très pervers à Tulle, puisque les gens s'attendaient, espéraient, craignaient trouver des lettres anonymes ou être concernés par l'une d'entre elles. Et l'expression qui courait dans Tulle à l'époque, c'était se faire attraper. Et on n'avait pas besoin de dire que quand on disait « un tel s'est fait attraper », c'était sous-entendu par une lettre anonyme. Bonjour. Là, vous venez camper avec moi? On vient camper avec vous. Camper, ça veut dire quoi, ça? Bavarder, pas forcément me dire. Commérer, raconter ce qui se passe. Clamper. J'ai marqué, là, toutes les formes, j'ai regardé ce dictionnaire. Voilà. Clamp, bavard. Clampinard, bavarder. Clampanéard. Cancané, coméré, et ou bien clapassard, clapoussard, clapétard, clambard, champanard. Ça vous va? Marie-France Houdard, on est à Tulle. Ouais. On est exactement à l'intersection de l'avenue du Général de Gaulle et de la rue du Fourré, qui est juste à côté. Ouais. Et alors, on est devant là une étrange fontaine qui s'appelle comment? La fontaine des Clampes, c'est-à-dire du commerce. C'est deux vieilles dames, c'est ça? Alors, qu'on c'est a représenté dames, enfin, deux dames, deux femmes d'ici, de la campagne, qui reviennent du marché. Il y en a une qui a son panier, puis elles ont leur petit chignon, et puis évidemment, elles ont leurs sabots. C'est à peu près à ça que ressemblait une dame à Tulle au début du XXe siècle. Ouais, ouais, tout à fait. Elles semblent se dire quelque chose, ces deux dames. Ben, t'as vu la fille untelle ou... Ah, mais ma pauvre dame, ben voilà, j'aurais pas cru, et oui, mais on m'a dit que, et voilà. Et ça continue comme ça peut continuer longtemps. Et puis à la fin, il y a l'une qui dit à l'autre, mais surtout, ce que je vous dis, ne le répétez pas. Surtout, ne le répétez pas, c'est bien avec vous, parce que je vous fais confiance, et on se connaît depuis longtemps. Il y a la dame à droite, là, qui penche comme ça sa tête vers la dame à gauche, qui écoute. La dame de gauche, oh, mais faut pas croire tout ce qu'on dit. Méfiez-vous, parce que moi, on m'a dit autrement. Mais dites-moi un peu plus, je vous écoute. Vous savez pas quoi? Gervais aussi s'est fait prendre. Oh. Et le préfet, lui aussi, sur son bureau. Et la boulangère? Madame Audubert en a reçu une hier. Non. Sous sa porte. Elle était pour l'abbé Thialet. Lui aussi, il a reçu une lettre. La crémière aussi, il paraît. Mais c'est Madame Maurice, ça fait pas de doute. Il paraît que c'est vrai. Et vous, vous en avez reçu une? Moi, j'ai entendu dire... que vous en avez reçu une, vous. Alors, que contenaient ces lettres anonymes? Elles ne parlaient plus à la personne à qui elles étaient adressées. Elles parlaient de 12, 15, 20 autres familles ou personnes avec des bordées d'injures, des révélations sur leur vie privée, sur il y avait par exemple un tel le voleur du ravitaillement, un tel le pourri, le rat de la Solane, un homme qui avait la tuberculose, une telle la femme de Jean Laval par exemple. dont il était dit, celle-là, l'orgueilleuse Coste, la mule qui ne peut ni pondre ni couver, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il y avait énormément de raffinement dans la cruauté. Et comme les lettres n'étaient pas adressées à leur destinataire naturel, bien sûr, les gens se régalaient. L'œil de tigre a su créer une complicité générale et installer une ambiance de soupçon généralisé, mais de jouissance perverse aussi, et en même temps de peur, de terreur qui montait, qui montait, qui montait. Un vocabulaire ordurier, même s'il est assez limité, putain, salope, cornard pour les hommes, cocu, hein, voilà, des choses comme ça. Tout le monde en reçoit, tout le monde est accablé par les insultes, sauf une personne. À chaque fois, dans chaque lettre, il y a un petit mot gentil pour une seule femme, une seule personne. C'est toujours Marie-Antoinette Fiou. Ah, vous, vous êtes une salope, vous êtes une putain, vous n'êtes pas sérieuse, etc. Vous n'êtes pas comme la bonne mademoiselle Fiou, qui, madame Moury maintenant. Madame Moury qui, elle, tient bien son foyer. Elle est sérieuse. Elle est bien propre. Et évidemment, tous ceux qui reçoivent ces lettres se disent, mais enfin, la seule personne qui n'est pas calomniée, parce que quand vous recevez des insultes quand même, bon, la seule personne qui n'est pas calomniée est peut-être la calomniatrice. Les lettres anonymes sont des feuilles de papier. On pourrait dire un format un format A4 plié en deux, donc ça fait quatre petites pages, qui sont écrites à la plume et en lettres majuscules. Et les marges, tout ce qui est laissé blanc est rempli à la fin, comme si l'œil de tigre ne pouvait pas supporter de ne pas absolument remplir tout. On a aussi un nombre intéressant de cartes postales qui ont été découpées, les cachets sur ces cartes postales, et elles sont écrites de la même façon, en petites lettres majuscules, toujours à l'encre noire la plupart du temps, avec très très peu de fautes d'orthographe et d'erreurs de syntaxe. Donc l'œil de tigre a sans doute été quelqu'un qui a été instruit. Et l'œil de tigre va être pris d'une frénésie d'écriture, comme une drogue. Hein, et il faut qu'il écrive rapidement, de façon à être compris. Ce qui fait qu'il développe, au fil des années, une écriture très caractéristique. Parce que son écriture, qu'on appellera en bâtonnet, qui est en majuscule d'imprimerie, est en fait très reconnaissable. Malheur à pas trop le satyre, le vieux crevé. Madame Bello, la mule, digne fille de la trouée. Donatien, tu sens le rat crevé. Un de ces jours, Monsieur Maury te montrera son cul. Anna la pieuvre, la sirène, Anna la catin. Joseph est atteint d'une infirmité. Il pète. Qu'il prenne garde le jour de son mariage de ne pas avoir la colique. Couty est un cornard par sa femme. Cueille, avorton à pied tordu. Nina Dufour, la salope. Marlou, tuberculeux, demi-vierge. Je suis l'œil de tigre. Je ne crains ni Dieu, ni diable. Malheur à mes ennemis. Alors, je vous ai fait venir Marie-France Houdard dans la cathédrale de Tulle parce que le 1er décembre 1921, on a retrouvé une lettre, là, à côté du confessionnal, dans le tronc, c'est-à-dire dans cette petite tirelire qui est destinée aux offrandes des paroissiens. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre anonyme du 1er décembre 21 ? Alors, Monsieur Rigaud, procureur de la République à Tulle. Hanté de remords, la conscience bourrelée par le poids de mon crime, je viens vous faire l'aveu et la confession de mon crime. C'est moi, Michel Vore, chef de bureau du cabinet du préfet, qui suis l'auteur de cette campagne de lettres anonymes. Je regrette aujourd'hui mon mariage avec ma salope de femme. Attendez, on est dans une église quand même, hein ? Eh oui. C'est l'endroit pour dire ce genre de choses ? Mais sans doute pas. Bon, on continue quand même. On continue quand même. J'en voulus au Favarc parce qu'ils firent des lettres anonymes pour me faire aller au front. Ah, ça parle de guerre, là. Je suis un ambitieux, un parvenu, un fou, un détraqué, un dégénéré. Mon grand-père Hippolyte était fou et il a abandonné sa femme qui, du reste... Quoique la mère de ma mère était une salope. Bravo. C'est typique, ça, des lettres anonymes du corbeau de Tulle. Oui, traiter tout le monde, faire porter le chapeau à n'importe qui. De temps en temps, c'est Marie-Antoinette Moury, de temps en temps, c'est Monsieur Vore. Il y en a eu d'autres qui ont été accusés. Et les mots de salope, de dégénérés, de détraqués, de fous. Bon, ben voilà. Alors, imaginez que tout le monde reçoit ça à Tulle, dans ce petit enclos qui est vraiment pas grand. On doit se dire, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Il y a peut-être du vrai. Dans toute rumeur, il y a quelque chose de vrai. Alors, imaginez l'ambiance. Il y a vraiment une perversité, une obsession sexuelle. Ça dégouline de sensualité. En fait, on voit bien qu'il y a là quelqu'un de frustré, quelqu'un qui observe les autres. Il y a une énorme frustration sexuelle dans ces lettres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est signé l'œil de tigre. Et ces lettres, elles accusent là aussi quelqu'un. Elles accusent quelqu'un parce que Marie-Antoinette Few a une bague au doigt, et cette bague, c'est une pierre semi-précieuse, c'est le fameux œil de tigre. Donc en signant l'œil de tigre, ça la désigne, Marie-Antoinette Few, comme la responsable des lettres. Ce qui fait que dans la rue, on l'insulte, il y a des commerçants qui refusent de la servir, et à un moment donné, le couple Moury pense même à déménager de Tulle parce que c'est devenu invivable. Je suis Gibert, greffier. Ennemi à Jean Cueil et ami à Monsieur Moury. L'œil de tigre, c'est moi, Madame Gibert, employée à la préfecture, ennemi au fourbe Cueil. Jusqu'au jour où, en novembre, là c'est le drame, parce que dans une des lettres anonymes, donc signée l'œil de tigre, il est écrit « L'œil de tigre, c'est moi ». Madame Gibert, avec la complicité de mon mari, greffier à la préfecture. Monsieur et Madame Gibert qui habitent le Trec depuis longtemps, c'est un couple très uni. Lui, il est greffier du conseil de préfecture, un homme apprécié de tous. Personne ne le soupçonne d'être l'œil de tigre. Tout le monde sait que c'est une machination honteuse. Sauf que autant sa femme réagit bien, autant lui, qui doit avoir une fragilité sombre dans la folie. Et sa femme est obligée de le faire interner à l'asile d'aliénés de la Sellette, en Haute-Corrèze, où le pauvre homme meurt 3 semaines après, la veille de Noël, le 24 décembre. On n'a pas dit qu'il s'est suicidé, mais c'est sous-entendu par les articles de presse, on sent bien qu'il n'est pas mort de sa belle mort. Voilà, il était jeune et en bonne santé, voilà. Il n'a pas supporté, donc l'œil de tigre a fait son premier mort. Et ça entraîne une énorme émotion dans la ville, parce que jusque-là, on en riait, finalement, c'était dans le milieu de la préfecture, il y en avait d'autres qui étaient touchés, mais on se disait, oui, voilà, il y a quelque chose... On en rigolait de cette histoire de coucherie, d'insultes, mais là, il y a un mort, et là, il y a la presse parisienne qui arrive, le petit journal, le matin, le petit parisien, avec des lettres anonymes à un mort, une ville où tout le monde se suspecte, il y a quelque chose à raconter, et puis en plus, en décembre 1921, l'affaire Landru vient de se terminer et la presse, elle a besoin de se mettre quelque chose sous la dent. La presse de faits divers, hein, bien sûr. Et là, il y a une super histoire à raconter. Et cet homme aimé de tous, alors là, va être enterré dans le cimetière qu'on appelle le Puy Saint-Clair et qui domine la ville de Tulle sur une de ses collines. Et tout Tulle est présent à ses obsèques, absolument tout. Et le préfet Martin en tête, qui pour la première fois, pendant son éloge funèbre, va enfin révéler que depuis 4 ans, la campagne de lettres anonymes s'est abattue sur la ville, qu'elle a fini par créer la mort, et qu'on a affaire au génie du mal. Et ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que il y a de fortes chances que le génie du mal en question, l'œil de tigre, soit présent à ses obsèques. Parce que c'est quelqu'un de la communauté, c'est quelqu'un qui connaît tout le monde. Je dirais que la ville entière partage son désir de vengeance. Comme autrefois, la chouette était fixée sur la porte des granges. Tu seras cloué sur la porte du cimetière. Oiseau de sang, oiseau noir, corbeau. Jean-Yves Le Naour, on imagine quand même bien qu'il y a une enquête pour trouver l'auteur de ces lettres. Alors oui, puisque d'abord ces lettres nous sont parvenues, donc elles ont été données à la police, évidemment, à la justice, et il y a une enquête qui est lancée, et le juge Richard, évidemment, à qui on communique toutes ces lettres, eh bien, au départ, est persuadé que c'est Madame Moury, évidemment, comme tout le monde. Pourtant, le juge d'instruction ne l'inculpe pas. Alors, il est accusé de laxisme, d'incompétence, lui ainsi que le procureur. Enfin, on se demande ce qui se passe. Mais s'il ne l'inculpe pas, on saura plus tard que le juge Richard, qui est un excellent juge d'instruction, vraiment, c'est parce qu'il n'y croit pas. C'est trop évident, finalement. C'est trop évident. Et puis, quel est le mobile de Madame Moury? Elle s'est mariée, elle, avec son chef de service. Elle ne travaille plus à la préfecture. Elle élève ses enfants. Et puis, il y a aussi un autre fait. Quand elle a accouché à l'hôpital, il y a des lettres qui sont arrivées à ce moment-là dans la ville de Tulle. Alors qu'elle était à l'hôpital en train d'accoucher, au vu au-dessus de tout le monde, elle n'était pas en train d'écrire. Donc, ça ne peut pas être elle. Mais alors, qui veut lui nuire? La question est là, en fait, hein, en réalité. Qui veut nuire à Madame Moury? En fait, on saura plus tard qu'il sait, enfin, le procureur et lui savent déjà, on une idée assez précise de qui est l'œil de tigre, mais n'ayant aucun, c'est très intelligent, parce que n'ayant aucun élément de preuve à l'époque, ils ne vont rien faire. Donc, on a la surface lisse de l'enquête, mais en fait, dessous, ce n'est qu'apparence, parce que dessous, ça tricote une instruction de qualité. L'œil de tigre fait une énorme erreur. Ça fait deux ans et demi, qu'il écrit ses lettres. Jusque-là, il a été plutôt irréprochable. Et puis, en novembre 1921, il se trahit. Alors, il se trahit, vraiment, c'est une énorme bêtise. Jean Laval, qui est chef de service à la préfecture, va trouver le juge en disant « Vous savez, il y a deux boutiquières là qui ont reçu deux lettres. » Et il dévoile au juge le contenu de ces lettres, donc il faudrait que vous alliez les voir, etc. Il convoque les boutiquières, et les boutiquières disent « Ça alors, mais comment le savez-vous qu'on a reçu deux lettres ?» On en a reçu, effectivement, mais on l'a dit à personne. Personne ne le sait. Or, Jean Laval, il tient le contenu de ses lettres du récit que lui en a fait sa sœur, Angèle Laval. Comment Angèle Laval pouvait-elle connaître le contenu de lettres qui n'ont été divulguées absolument à personne? Donc, Angèle Laval s'est trahie. Marie-France Houdard, oui. On est devant le 111 rue de la Barrière. Oui. Il y a quelqu'un de connu à Tulle qui a habité ici, c'est Angèle Laval. Ouais. Elle habitait où? Au deuxième étage. Au deuxième étage, il y a des volets et à un moment donné, ils ferment les volets et on nous entend, je ne sais pas exactement. Mais en fait, c'était là. Et donc, l'entrée est là. C'est tout donc, en hauteur, mais alors, du coup, quand on est en bas, dans la rue, on ne voit pas tellement le ciel. C'est quand même étouffant comme ambiance. Oui, c'est étouffant, bien sûr. C'est resserré, c'est oppressant, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'une jeune fille peut faire si elle veut s'échapper? Ça remuait dans sa tête. Je pense qu'il y avait une espèce d'aigreur de ne pas arriver à ce qu'elle voulait. Elle voulait se faire épouser par son chef, elle n'y arrivait pas. Je pense qu'il y avait une espèce de frustration, ce qui fait qu'elle a ensuite déversé son fiel, sa haine sur tout le monde par un mal de vivre, quoi. Devant la porte, peut-être qu'on peut essayer de rentrer. Bah, allez, essayez, si c'est bien. On essaie. C'est ouvert, c'est ouvert. Alors on va monter. Et on monte dans l'antre du diable de Tulle, là, quand même. C'était la première partie de Un corbeau et des hommes. Avec Françoise Vigneron, Marie-France Houdard, Jean-Yves Le Naour et Romain Legendre. Lecture, Charlotte Kémy, Marie Constant, Jean-Laurent Bourrel et Michel Baladi. Prise de son, Sandrine Malon et Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Une histoire particulière, Julie Béressy, Romain Weber. Demain, la suite de l'histoire du corbeau et des hommes, ce sera à 13h30, mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.